aura bien compris, à 31 000 pieds, on vient de prendre un mur du son avec Bled de Meshuggah, les baguettes de Thomas Ask et quelques petits bruitages. Un petit clin d'œil à ton métier et une musique que tu affectionnes particulièrement, le heavy metal. On dit souvent qu'un bon ingé son, c'est celui que l'on n'entend pas. Ça te fait quoi d'être enfin sous les projecteurs de cette cabine aujourd'hui ? Bonjour Sylvain. Ça fait tout bizarre, mais... Bien. Oui, ça y est. Ben, bonjour. Donc ça fait tout bizarre, mais jusque-là, tout va bien, donc. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc bonjour, bonjour. Bon, tu l'auras reconnu, hein. Je t'ai mis un petit peu de grain de musique, d'une certaine musique, mais on en parlera un petit peu plus tard, que tu affectionnes particulièrement dans le côté loisir, on va dire. Alors bah, moi, merci beaucoup d'avoir invité mon invitation pour ce vol numéro 10, donc sur Arc-en-Ciel 96 d'Orléans, dans l'émission Didier & Co. C'est un honneur de pouvoir, pour moi, de te recevoir et de te revoir déjà depuis l'année dernière, et de faire découvrir à nos auditeurs, nos auditrices, ce fascinant métier de l'ombre. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler un peu de la genèse de ton parcours professionnel, puisque tout le monde l'a deviné, tu es ingénieur du son, mais on dira de quoi après. Ouais. Ma foi, je suis né à Orléans, je suis un gars du coin. J'ai grandi dans la campagne d'Orléans, bercé dans la musique depuis mon plus jeune âge. J'ai appris la musique vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé, j'ai appris un instrument à 9 ans et puis j'ai continué comme ça et j'ai vite été irrécupérable pour la société, on va dire, quand j'ai eu ma batterie, où là j'ai fait quasiment D'accord. que de la musique. Donc tu tapes. Voilà. tu essayes de taper sur des pots, voilà. C'est pour ça, le petit clin d'œil que je t'ai fait tout à l'heure. Voilà. On en discutera un petit peu plus tard dans l'émission, parce que c'est vrai que Sylvain et moi, nous connaissons un petit peu, hein. On va se découvrir au fur et à mesure, mais on se connaît côté musical aussi. Et on s'est déjà rencontrés. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet, hein, parce que tu sais, en général, dans le son, on n'a pas trop le temps de mégoter, hein, il faut okay. y aller, il faut rentrer dedans. Donc là, on va faire pareil. Quelles sont, d'après toi, les qualités indispensables pour réussir et s'épanouir dans ce métier ? Je parle en général. Eh ben, pour moi, la première des choses à avoir, c'est vraiment de la détermination. Il faut s'accrocher, car c'est pas évident. C'est un métier particulier, on qualifie ce métier souvent de métier passion, ce qui est plutôt ingrat comme Bien façon sûr, d'aborder ouais. le sujet. Et donc il faut de la détermination, être tenace, avoir l'envie et bien sûr avoir de l'oreille. Voilà, ça aide, savoir ouais, écouter, savoir entendre c'est les propre, choses. Ouais, il vaut mieux avoir de bonnes oreilles ou des obaras, comme on dit dans le sud de la France, en patois, les oreilles. Donc tu es ingénieur du son, c'est un titre essentiel, mais qui, comme beaucoup de métiers, comporte différentes spécialisations, donc c'est là qu'on va rentrer dans le détail. On a souvent tendance à diviser, je vais dire, en trois familles. Je pense qu'il y a l'ingé son en studio, ouais. Celui qui fait des disques ou qui prépare ouais. les groupes hein, ou les plays. L'ingé en audiovisuel, l'ingé son en audiovisuel, hein, celui qui prend le perche, enfin celui qui fait le son, la prise de son et avec son petit ordinateur là qui règle un petit peu au fur et à mesure les faders. Et bien sûr l'ingé son live. Et toi, je crois que tu es dans la troisième partie. Tu es donc un ingé son live. Absolument. Voilà, c'est plus ça qui me définit. Ces trois familles, en fait, on va dire, obéissent à certaines façons de faire, certaines règles priorités. Aussi entre... Et moi, c'est le live vraiment qui m'a séduit très tôt et j'en démords pas. C'est ça que j'aime. C'est ça que tu veux faire. C'est quand je serai grand. C'est ça. Avant d'entrer dans le détail de ta propre spécialité, peux-tu nous faire un rapide tour d'horizon entre ces trois critères, enfin ces trois styles d'ingé ? Parce que nous, on sait, On connaît un petit peu, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas toujours la différence entre un ingé son live, après dans le live on verra qu'il y a des parties différentes, l'ingé son studio et l'ingé son audio. Est-ce que tu peux nous brosser ça? Tu prends ton temps, hein. Oui, ben rapidement pour dire première chose sur l'audiovisuel, c'est la partie que je maîtrise le moins. Donc j'ai assez peu de choses à dire concrètes sur cette partie-là. Sur l'ingénieur du son studio, c'est quelqu'un qui va faire une prise de son, un mix. Si on parle de musique, un mix d'album. On travaille sur quelque chose de durable. Donc les contraintes sont énormes et assez cruelles, qui vont parfois être guidées par des modes, en fait, suivant les époques. On aime écouter telle ou telle chose de telle ou telle façon. Le travail risque d'être un petit peu influencé par ce genre de choses. Et encore une fois, voilà, c'est pour travailler sur un objet qui va rester, sur quelque chose qu'on pourra durable, écouter. Qu'on va mettre sur support. Voilà, donc aucun droit à l'erreur. C'est très cruel comme boulot, très très dur. Mais bon, on peut se passionner pour ça, bien sûr. Heureusement, j'ai envie de dire. Moi, ce qui me plaît, c'est la troisième partie, c'est le live, c'est-à-dire de quelque chose d'éphémère, de faire quelque chose sur un instant bien précis, qui va être très furtif. On n'a pas vraiment droit à l'erreur non plus. Mais c'est surtout aux endroits où on en discutera tout à l'heure, mais où on travaille, des fois, ça peut être un petit peu. Bien sûr, on n'a pas le droit de se tromper non plus. Néanmoins, c'est pas la même exigence. Il y a une, je trouve, une adrénaline, moi, que je ressens en tout cas chaque fois que je travaille sur l'instant, sur le fait que ce soit ponctuel, qu'on a vraiment un timing très très identifié pour que les choses soient faites et bien faites. Donc voilà, ça c'est. D'accord. Donc oui, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens, bon, l'audio, on l'a compris, hein, c'est celui qu'on voit souvent dans des prises, dans des films ou je veux dire dans des émissions extérieures, qui avec sa perche, son micro, enfin il a souvent un perchman. Il y a souvent une personne qui l'aide à la perche, et lui, il est avec son ordinateur, ou des fois, il fait les deux, mais manipuler l'ordinateur, et c'est pas évident sur les faders. Mais voilà, bon, ça, c'est le côté prise directe, ouais. Où c'est pas toujours évident, parce qu'il faut gérer tous les bruits inhérents au direct. Bien sûr. Au direct. Hein. Après, il y a le côté studio, donc celui qui va faire le disque. Et avant de faire le disque, en général, on fait des concerts. On fait des concerts et c'est là que toi tu interviens. Alors soit en salle ou soit à l'extérieur. Donc toi tu es sur ou à côté de la scène et tu gères un petit peu le son de ces messieurs, ouais. Ces messieurs et ces dames bien sûr. Et ou alors après en salle suivant le contexte. Et après une fois que le musicien a bien joué, qu'il connaît bien son morceau, ah ben allez on va se tenter un disque. Et là il va aller voir un de tes collègues qui lui est ingénieur du son studio. Oui, en gros c'est ça. On peut définir ça comme ça. Les choses ont pas mal évolué aujourd'hui quand même, et souvent il y a besoin d'une complicité, je trouve, entre un artiste et un ingénieur du son. En tout cas, certains artistes pour certaines musiques où il y a vraiment un lien entre les deux, un travail important à faire derrière la console. Et du coup, quand la complicité est trouvée, après que ça commence par le live ou pour le studio, peu importe, mais disons qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'ingénieurs du son issus du studio à l'origine, qui ont rencontré des artistes, qui ont fait un disque ensemble sur scène. Et qui les accompagnent en tournée, etc. Parce qu'ils savent comment ça doit se caler, quoi. Oui, bien sûr. Après, oui, ça se complète et ça se suit. Ça peut se faire aussi à l'inverse. Hein. Je pense que toi, en tant qu'ingé son live, tu peux éventuellement accompagner des artistes sur un studio. Tu peux ou c'est moins. Alors ça, j'ai jamais eu l'occasion. C'est pas pour. J'ai déjà fait des disques. J'ai été assistant sur des disques même assez jolis. Je suis assez content d'y avoir participé. c'est bien, faut être content ce qu'on fait. Bien sûr. Mais à titre pour des groupes amateurs qui ont besoin d'aide, de support justement, qui savent pas ce que c'est réellement qu'un enregistrement, ça m'est arrivé de leur proposer mes services et de les aider à faire leurs maquettes, à faire des enregistrements. Ouais, c'est du travail. Ouais. Voilà, bien sûr. Surtout que quand tu te trouves avec des amateurs, bien souvent, si ce sont vraiment des amateurs qui font ça pour le loisir, ils sont assez vite perdus, ils ont plus de repères. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ton milieu à toi, dans ce que tu connais bien. Enfin, du moins, je l'espère, surtout pour les musiciens, les musiciennes. J'ai pas entendu où tu travaillais exactement. Est-ce que tu peux nous donner ton lieu principal? Alors, je travaille dans plein d'endroits. Ouais, d'accord. J'ai travaillé aussi avec des artistes. Ça va bien m'aider, ça. Mais il y a un endroit, effectivement, où je travaille assez régulièrement tout au long de l'année, c'est à la Philharmonie de Paris. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, qui est un endroit assez bluffant. Assez bluffant, assez pointu. Et ouais, c'est un endroit au niveau Europe, même mondial, qui est quand même un petit peu coté. Oui, et puis ouais. J'avoue, j'ai la chance d'y voir pas mal de projets musicaux. Et d'y côtoyer du monde virtuose de l'instrument. Bien sûr. Donc, tu travailles donc principalement, enfin, le plus souvent possible à la Philharmonie de Paris. C'est un petit peu ce qui m'a bluffé quand nous sommes rencontrés ici à l'émission d'Albino Mavrika. Et c'est vrai que comme tu parlais, enfin, on parlait en off, on parlait un petit peu de son et tout ça, et je dis mais voilà, le loulou là-bas, le batteur, il a quelques accointances au niveau du son, parce que moi j'aime bien le son aussi, mais pas à ton niveau. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je t'ai posé la question, et c'est là que tu m'as dit, je dis ouais, mais c'est super, je vais faire une émission sur plein de sujets, est-ce que tu vas être dans mes sujets? T'as un des premiers à m'avoir répondu oui, et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connus en 2025 et que j'ai découvert les membres de ton groupe, parce que tu es aussi musicien, batteur, comme tu l'as dit. Ouais. Et on en discutera un petit peu tout à l'heure. Donc tu travailles principalement dans la... est-ce que tu travailles principalement dans la grande salle Pierre Boulez ou dans les salles de concert ou les amphithéâtres? Parce que c'est assez grand, c'est assez vaste. J'ai travaillé dans toutes les salles de la Philharmonie. La salle Pierre Boulez, la salle des concerts... C'est la principale, c'est, hein, la grande salle. C'est la grande salle, oui. Et la salle des concerts, c'est ce qu'on appelait la cité de la musique à l'époque. D'accord. Et voilà, je travaille sur des concerts sonorisés, évidemment. Ouais, tant qu'à faire. Il y a quand même beaucoup de concerts classiques où il y a une prise de son pour de l'enregistrement, mais ça, j'y participe pas. Mais je suis beaucoup sur les concerts sonorisés et sur le plateau en fait pour faire les retours, la gestion des retours, mixage de retours à la Philharmonie de Paris. Okay, on va expliquer un petit peu le côté mix, retour et façade, un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert. Parce que notre émission, elle est bien sûr de parler de ton métier, de le faire connaître, mais aussi de faire comprendre aux auditeurs, aux auditrices, ce que c'est que les métiers et comment on travaille quand on est musicien, les retours, les façades, à quoi ça sert et pourquoi ça sert surtout. Et je me permets de rajouter. Vas-y, à la Philharmonie, justement, il y a une nouvelle salle, non, mais une salle qui s'appelle le studio, qui est capable d'accueillir quelques concerts, qui vient d'être équipée en système ELISA, qui est un système en fait immersif. Et donc on s'est formé à ça, et donc ça va être également un nouveau lieu pour exploiter ce genre de système, et ça promet d'être passionnant. D'accord. Je précise donc que notre invité, comme à chaque fois d'ailleurs, je leur demande de nous préparer une petite playlist de morceaux qu'ils veulent écouter, qu'ils veulent nous faire découvrir ou simplement avoir le plaisir d'écouter en radio. Et c'est pour ça que dans mon choix, je vais lancer ma piste tout de suite. Donc, si elle veut bien partir, voilà. C'est du live, hein. Mais oui. c'était donc Berlin, The Weather Report. Weather Report, ouais, tout à fait. Hein, voilà. Je pense que des fois, dans les morceaux que tu m'as envoyés, il doit y avoir sûrement des morceaux d'artistes avec lesquels tu as travaillé. Oui, alors pas dans celui-là, mais... Ouais, mais dans l'autre, hein. dans un prochain, je crois que tu me feras signe. Voilà, ben j'en profite, là j'ai eu un petit coup de fil, j'en profite, j'espère que tu as réussi à te brancher. Bonjour Bruno, qui doit être derrière et du côté de Gien. Il n'arrivait pas à se brancher, je sais pas pourquoi. J'en profitais aussi pour faire un coucou à Nico, qui est un chanteur qui est du côté de Montargis, qui faisait partie, je sais plus s'il en fait toujours partie, du groupe Crossband, qui était en pause. Et j'ai eu aussi mon ami Zachary, mon guitariste en général, qui est derrière et qui aujourd'hui, normalement, pourrait nous écouter. Et parce que sa réunion a été annulée, et l'ami Sébastien qui fait partie des gens qui ont posé des questions et qui est aussi derrière à l'écoute parce qu'il aime bien le son. Donc comme je le disais, on a écouté donc ce morceau que tu nous as choisi, qui était un petit peu long, 6 minutes, mais bon, ça permet un petit peu de se remettre en forme. Alors on était justement dans le côté métier, le côté métier de la lumière et de l'ombre. Alors en général, dans la lumière, ce sont les artistes qui sont sous les projecteur, et dans l'ombre, c'est souvent le public, mais aussi l'ingénieur du son. Et c'est l'ingénieur du son qui travaille. Alors, on peut travailler sur les deux, comme on peut travailler sur l'un ou sur l'autre. On en parlait tout à l'heure. Et là, on va décortiquer un petit peu plus les retours et les façades. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mots qui sont un petit peu barbares au niveau de nos auditeurs? Oui, très simplement, l'ingénieur du son façade va faire le son pour le public. D'accord. Et l'ingénieur du son retour va faire le son pour les musiciens sur scène. D'accord. Voilà. C'est tout. Bon, ben merci. Au revoir. Voilà, à bientôt. Voilà. Donc en fait, il y a deux réglages à faire. Donc ça peut être fait par deux personnes différentes ou par une seule personne. Ça dépend vraiment de l'exercice, de la complexité des choses à faire. J'ai accompagné une artiste pendant très longtemps et j'ai été embauché à l'origine pour faire le son retour. D'accord. Je viens du milieu jazz et musique du monde. C'est un milieu donc de musique assez acoustique en réalité. Et du coup, pour que ce soit bien en façade pour le public, il faut que les musiciens soient bien entre eux. Donc le son du plateau, comme on dit, le son de la scène est hyper important. Donc on a pour besoin pour le musicien. Donc le travail au retour est vraiment le primordial. Voilà, j'ai commencé moi à travailler avec une artiste sur les retours parce que ils en avaient assez d'être à droite à gauche partout dans le monde et que ce poste-là était vraiment négligé et du coup de rencontrer autant de difficultés sur scène, c'était pas possible. Donc tu as voyagé un petit peu avec eux? J'ai voyagé un peu avec eux, ouais. Et du coup voilà, je faisais les retours et puis petit à petit je me suis arrangé pour pouvoir faire les deux. Donc je suis arrivé en façade et je gérais les retours depuis la façade, mais parce que le groupe était pas très important. D'accord. Voilà. Sur des gros projets ou sur des projets avec un timing très serré, c'est bien d'avoir un artiste sur scène, un ingénieur du son au retour, un ingénieur du son façade qui travaille, on va dire, de concert pour faire un joli jeu. Bien sûr, oui. C'est le cas de le dire. Et donc voilà, pour pouvoir chacun travailler sur les exigences propres à chaque poste. Et voilà. D'accord. Alors, comme je suis un petit peu musicien aussi, le retour, c'est ce que l'on voit sur scène. Enfin, oui, ce qu'on voit généralement sur scène. Maintenant, on le voit moins parce que c'est caché dans les oreilles. En général, on a pour les petits groupes, et même les gros groupes, des fois, ils aiment bien. Hein, il y en a qui aiment pas avoir les retours directement dans les oreilles. Ça les coupe du public. Enfin, il y a tout un tas de choses derrière qui viennent. Pour ma part, c'est mon cas, donc j'aime bien avoir ce qu'on appelle les bains de pieds. Oui. Donc les bains de pieds, ce sont pour vous dire sur scène. Quand vous allez au théâtre, vous avez les souffleurs, ce sont des grosses caisses qui sont ouvertes, et là il y a la personne qui est dessous et qui vous souffle ce qu'il y a à dire. Là c'est pas tout à fait la même chose, ce sont des caisses qui sont posées à plat et qui sont face aux musiciens. Donc après il y a des réglages anti-retour, leur scène, patati patata, hein, pour faire sûr, mais c'est ça, c'est une enceinte pour voilà, un musicien. Donc dans un plan idéal, on a une enceinte par musicien et dans chaque enceinte est envoyé le mix dont a besoin le musicien pour, voilà. Je veux plus de batterie, je veux moins de batterie, le chanteur il arrête pas de me hurler dans les oreilles, tu peux me le baisser parce que moi ce qu'il chante, je m'en fiche, j'ai besoin d'entendre et mon batteur. Exactement. Et ma basse, parce que je suis à la basse, et c'est ainsi de suite. Après, pour le chanteur, qui est mon cas, il va demander d'avoir un petit peu tout parce qu'il a besoin d'avoir et il s'appuie sur certains instruments. Exactement. Donc un petit peu plus d'eux et donc c'est toi l'ingé son, sonorisateur ou l'ingé son, mais là on parle d'ingé son, de vraies personnes du métier, qui va au niveau de la mixette, hein, au niveau des faders, donc les boutons, ça s'appelle des faders, et il va amener, et enfin il va monter, baisser, et il va faire tous les réglages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Je fais l'analogie par rapport à la façade. L'ingénieur du son façade va faire un équilibre musical avec chaque artiste pour qu'on entende tout, avec un équilibre spatial, qui va bien pour que le public puisse entendre le concert. Mais les musiciens, chaque musicien a besoin de points de repère. Le batteur a pas besoin des mêmes points de repère qu'un guitariste ou qu'un clavier. Il a pas besoin de repère, le batteur, il fait que taper. Ouais, si seulement. Et du coup, ça complexifie quelque part ce travail-là. Il faut comprendre le plateau, la scène en fait, il faut comprendre ce qui se passe au plateau au niveau de la musique, comprendre ce dont ont besoin les musiciens. Moi personnellement je trouve ça passionnant, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et donc c'est rentrer en complicité avec ces musiciens pour éventuellement devancer au maximum les attentes de chacun pour que très rapidement ils puissent jouer dans des conditions correctes, voire très confortables quand on a le temps de vraie balance et de pouvoir pousser un petit peu le bouchon. On va parler un petit peu du temps et du nombre, enfin tout ça. Donc en fait, si je comprends bien, pour expliquer aux auditeurs, aux auditrices, quand tu es sur ta console, enfin ouais, quand tu es sur ton élément, sur ta table de mix, dans ton cockpit de pilote, tu as tout un tas de boutons et chaque élément, donc on va dire élément, chaque musicien et musicienne a sa propre piste. Il a une tranche en fait, si alors, je comprends bien. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est très très simple, mais c'est plein de fonctions. On va pas m'emmêler, hein. C'est plein de fonctions d'entrée. En fait, on a tous les micros, toutes les sources, tous les micros. Donc une guitare, une grosse caisse, une caisse claire, le chant, tout ça rentre à chaque fois dans une tranche. Voilà. Donc si on a 10 instruments, on va dire brutalement que j'ai 10 tranches d'entrée que je vais régler, corriger s'il y a des besoins de corriger des fréquences qui vont pas bien en fonction de la prise de son du micro, etc. Et tout ça va être envoyé dans ce qu'on appelle des mix, pour faire simple. Si c'est pour la façade, c'est un seul mix façade. Si c'est pour les musiciens, c'est autant de mix que j'ai de musiciens. Donc si j'ai un groupe de 5 personnes, je vais avoir 5 mix différents à gérer pour faire des équilibres dans chaque mix, faire un équilibre spécifique. Alors, quand tu prends, je sais pas si dans la philharmonie, je pense que des fois tu as des batteurs aussi, tu as des... Ah oui, j'ai oui, tout, bien ouais. sûr. Donc, des fois j'en ai deux. Tu n'as pas... On va parler sur ton cas précisément, parce que c'est celui qui prend le plus de place en général sur scène et en même temps sur les éléments qui nous ont... Un piano grand concert, ça prend beaucoup plus de place. Un piano grand concert, ça prend plus de place. Je connais pas, donc je peux pas en parler. J'imagine, donc en général, quand tu prends un son sur une batterie, tu vas avoir combien de micros? Combien de pistes? Alors là aussi... On va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Non, parce qu'il y a plein de façons de faire. Ça dépend vraiment de l'exercice qu'on a à faire, de ce qu'on veut comme résultat. Mais sur les musiques que j'ai l'habitude de faire, en parlant de jazz par exemple, un batteur, il sait faire sonner sa batterie équilibrée. Donc... En vrai, avec deux overheads, c'est-à-dire d'accord, deux micros au-dessus. Placés pour avoir l'ensemble de la batterie. Donc, vous rappellerez, hein, les micros qui sont au-dessus, là, qui regardent vers là, ça s'appelle des... Des overheads. Overheads, d'accord. Voilà, avec un micro de grosse caisse et éventuellement un micro sur la caisse claire pour préciser. La grosse caisse, c'est le tout. Voilà. On peut faire sonner une batterie sans souci. Après, la caisse claire, donc la snare. La snare, oui. Voilà, c'est celle qui fait du tambour. Voilà, avec le timbre. Je donne une image. Hein. Donc tout ça se sonorise et ça se règle sur. Et après, tu mets toutes ces pistes-là, tu les mets dans une seule piste. Alors ça s'appelle pas des pistes, mais ouais, bon, admettons. D'accord, ouais. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme des robinets en fait. On d'accord. ouvre un petit peu de grosse caisse pour l'envoyer dans le bus du batteur pour qu'il entende sa grosse caisse. On va ouvrir la caisse claire, etc. Et on gère cet envoi pour avoir plus ou moins de chaque instrument dans chaque mix. D'accord. Donc si on passe de la batterie, donc on va dire que tu peux avoir de 2 à 6, 7, 8, des fois 9 12 micros, ah oui, ça c'est suivant ce qu'ils ont besoin, suivant le style de musique, sûr. Suivant beaucoup de choses, suivant s'il y a du repiquage directement pour faire un enregistrement. Ça oui, se aussi. Donc a, voilà, tout ça, ça joue, tout la ça prise, la prise de son est là pour reprendre un son soit fidèlement, soit de façon très colorée, voilà. Donc ajouter différents micros qui amènent à l'autre difficulté au traitement, etc. Mais oui, on peut passer d'une batterie en 3 micros à une batterie en, oui. en 20 micros. D'accord. Donc on va repartir sur du plus simple, enfin en quelque sorte. On a le batteur, lui n'est pas amplifié, il a pas d'ampli, il est amplifié que par la table de mix, donc il est sur son. Oui, il est assez acoustique. Voilà, il est acoustique, voilà, je cherchais le mot. Par contre, un guitariste électrique, oui. Lui, il a son ampli. Oui. Donc, il a son ampli qui, en général, derrière, il vaut mieux. Oui. Sinon, bonjour les oreilles, puis bonjour les problèmes de l'arsène, enfin bref. Et donc, de là, il a un micro qui va aller se mettre sur son ampli, un ou plusieurs micros qui va aller sur son ampli. Oui. Lui, il va faire ses réglages d'ampli, ses réglages son. C'est ça. De sa guitare, suivant avec son pédalier, enfin tout un tas d'artifices derrière. Et de là, toi en tant qu'ingé son, de ton micro qui est posé sur un petit pied ou qui est correctement grippé sur le bien où il faut par rapport à la prise du son sur le HP, tu vas aller te mettre sur la table de mixage. Voilà. Pour lui faire son son. Là, tu touches pas à son son. Tu vas pas lui dérégler s'il a mis du fuzz ou s'il a mis des choses comme ça. Bien sûr que non. C'est en ça que je trouve ce métier passionnant, surtout pour les retours. En jazz, le nombre de saxophonistes, pour ne citer que, qui jouent sur scène. En dehors du micro, volontairement, pour entendre son sax, et il vient dans le micro pour l'entendre comme il sonne retour. C'est ça qui est pas facile. Il veut entendre la même chose, c'est normal. Pour les instruments avant, je parle un petit peu en connaissance de cause avec mes petites connaissances. Je suis donc chanteur et harmoniciste. Et c'est vrai que ce qu'ont du mal à comprendre les guitaristes, voire les batteurs, enfin les autres instrumentistes, surtout les guitaristes et les bassistes, c'est que eux, ils s'entendent de leur ampli. Donc ils ont pas de son qui sort de la guitare directement, puisqu'ils sont reliés. Nous, quand on joue c'est comme notre voix, en fait. Quand on a notre instrument, on a notre instrument vocal, donc la bouche, le sax, la trompette. On a le son qui nous vient directement dans les oreilles et qui nous arrive aussi en même temps par le retour. Donc des fois, tu joues trop fort. Ben non, moi j'entends que moi, j'entends pas ce qu'il y a dans le retour. Enfin, je veux dire, c'est assez délicat. Donc à ce niveau-là, même si on revient au niveau du chant pour les chanteurs, parce que je sais que les chanteurs ils sont chiants. En général, tu me mets de l'aigu, tu me mets du médium. Ah là c'est bien, là c'est pas bien. Là je suis tranquille, là je suis pas tranquille. Un petit peu de réverb, un petit peu de si, moins de gain. En réalité, des musiciens ou des chanteurs chiants, j'en ai pas croisé beaucoup. Non. Il y en a qui savent pas forcément. Faudra pas que tu me sonorises alors. Non, je suis pas chiant. Il y en a qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. C'est là où ça peut devenir pénible. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut entendre, il y a assez peu de problématiques. C'est là où, quelqu'un comme moi, a sa carte à jouer. C'est justement d'arriver à sortir un son. C'est arriver à sculpter un petit peu et l'aider. Les choses qu'il entende soient normales, naturelles. C'est pas ma voix. Ouais, c'est pas moi. Donc, parce qu'il y a ce que lui, il entend. Et en fait, que ça soit batteur, bassiste, ce que l'on veut sur scène, l'artiste, pour moi, si jamais il n'a pas ce qu'il souhaite avoir, ce qu'il va pas avoir la décharge sur le public, il va pas avoir l'énergie. Il sera pas bien dans son truc. Là, il peut devenir pénible. Ouais, là, il peut devenir pénible. Donc là, on a vu à peu près, en gros, il nous reste 5 minutes à peu près pour en parler, parce que j'ai beaucoup de questions. Et donc là, on a vu un petit peu pour simplifier. Mais n'hésitez pas, sur la page Didier & Co, Facebook, sur les réseaux sociaux, si vous pouvez poser quelques questions, on vous y répondra même après coup. Il y a pas de souci. Hein, si voilà, soit en MP ou soit directement sur la page. Et donc de là, après, donc on a la scène, le plateau, et après on a le côté façade, donc qui est le son, qui est pour le public, c'est-à-dire les enceintes qui sont sur des chandelles pour les petits groupes ou groupes un peu plus importants, avec des bars carrément en hauteur, avec 10, 12, 15, 20, comme dans les Zéniths et choses comme ça. Et puis sinon, dans les salles de concert un peu plus petites, vous avez soit deux enceintes ou quatre enceintes devant, donc avec les aigus, puis voire des barres de graphes. Et puis derrière, il y a des fois un petit peu dans des grandes salles un petit peu plus grandes, il y a les mêmes enceintes qui répètent le son un petit peu parce qu'il y a de la déperdition dans les basses et dans les aigus. Donc aux Champs-Élysées, par exemple, quand ils sonorisent, fou là, c'est tout un travail. Après, le problème physique, oui, c'est de la physique. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais voilà. Donc toi, tu fais. Ok, tu fais les deux sons. On a vu le côté retour. Et après, on a le côté façade. Donc le façade, en quelques mots. Eh ben, en quelques mots, c'est effectivement rendre audible ce qui se passe sur scène. Audible ou acceptable ou... Ah bah... C'est audible, c'est toujours audible. Du moment où tu mets du volume, t'entends. Alors ça, c'est une maladresse de dire ça. Non, l'idée, c'est qu'on puisse tout entendre. Bien sûr. Et que la musique qui est faite, qui est jouée par les artistes, quels qu'ils soient, soit rendue correctement pour le public. D'accord. Alors, par exemple, pour une guitare, quand tu vas reprendre au niveau de la façade, tu peux prendre sur deux micros et paner. Tu peux mettre plus à droite, plus à gauche, ou oui, bien sûr, je peux jouer sur deux amplis. Alors, je peux jouer de tout plein d'artifices, créer une stéréo, justement, voilà, avoir plus de son à gauche, plus de son à droite. Mais ça, ça amène quelques difficultés, quelques problématiques, parce que quelqu'un qui a payé sa place pour aller voir un concert, suivant où il va être placé dans la salle, s'il entend fromage ou dessert, il sera pas content, il aura raison. Donc voilà, je fais une petite aparté par rapport à un truc qui se passe ici depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle la Fabrique Opéra Val-de-Loire, au Zénith d'Orléans, où tous les ans est joué un opéra sonorisé. Donc je m'occupe de ça depuis le début, et l'idée c'est donc d'arriver à sonoriser et à restituer pour le public la même qualité de son qu'on pourra avoir sans aucun micro. Donc là, le travail et l'exercice il est particulier mais passionnant, et on utilise depuis quelques années un système en spatialisation, en fait, qui permet justement d'avoir une image sonore très précise, avec je vais parler brutalement de gauche ou de droite, des choses placées comme ça dans l'espace, mais que le public pourra vraiment entendre. On n'est pas encore en campagne municipale. Ouais, ça. Donc c'est un travail vraiment passionnant, et justement là, pour le public, l'idée c'est d'arriver à rendre chaque trait d'orchestre, chaque instrument qui est dans l'orchestre, qu'on puisse l'entendre avec définition. Rajouter à ça les voix, qu'elles soient chantées ou parlées, voilà. Donc c'est créer pour le public vraiment un équilibre confortable d'écoute. Oui, si j'allume pas mon micro, ça va pas le faire. Il me faisait signe. De temps en temps, je le coupe. Si j'éternue ou autre, je voudrais pas que ça passe trop à l'antenne. Hein. Non, je suis pas enrhumé, ça va. Je suis pas comme toi. Ouais. Voilà, donc ok, pour le son c'est un petit peu vu, on pourra y revenir suivant le temps si on a besoin. Lors de nos échanges par téléphone ou MS ou autre, SMS ou autre, tu m'as dit que tu sonorisais principalement, voire exclusivement, des concerts amplifiés, parce qu'il y a des concerts qui ne sont pas amplifiés, donc acoustiques. Oui. Donc toi tu fais principalement le concert amplifié. Dans la pratique du son en live, il y a deux catégories. Il y a le son qui est travaillé sur console et sur façade. On l'a vu, ça c'est le côté façade et retour. Et lequel des deux est le plus exigeant? Les exigences sont différentes. Mais il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est quelque chose de différent. En retour, il faut avoir des qualités humaines importantes, parce qu'on fait pas mal de social, mine de rien, avec les musiciens. Oui, il faut arriver à s'entendre. Oui, c'est plus social que... Il faut arriver à donner confiance, à avoir confiance aussi dans les personnes qui jouent pour vous. Donc c'est en retour, il faut contrôler les équilibres et les niveaux des différents retours, mais il faut avoir une compréhension, une lecture du plateau vraiment rapidement, ouais. Et ça c'est important. En façade, on a autre chose, il faut contrôler l'équilibre, mais un seul équilibre général du truc. Le niveau, bien entendu, mais gérer la pression sonore également. Faut pas faire n'importe quoi. On a quand même une responsabilité importante, parce qu'il y a tout le public qui paye pour venir entendre le concert. Et parfois, en façade, on a également un peu de production de production musicale. Si dans le travail qu'on a à faire, on a des effets bien particuliers, des sons à envoyer ou bah, oui, parce que des fois, oui, les musiciens, ils ont des sons voilà, faits par des machines ou autres, et ils ont besoin à tel moment de bien envoyer. Donc, t'as intérêt d'avoir ton voilà, parfois ton petit carnet de bord là, et bien savoir au moment où il faut et d'être bien super, hyper concentré. C'est de la concentration à 200%. Et ben justement, là, je vais te passer un artiste et tu me diras après si c'est un artiste que tu aurais bien voulu sonoriser ou tu l'as peut-être sonorisé. Ah, Monsieur Bruce. Ah, Bruce Springsteen. Ah, j'aurais voulu, ouais. Morceau là qui tape bien et qui me rappelle un petit peu de temps en temps, il a des intonations, enfin je trouve c'est perso, mais je trouve qu'il a des intonations, des prononciations à la Bob Dylan sur ce morceau. Ah bah ouais, c'est sûr que il y a une influence un petit peu vocale. Donc on en était donc au niveau des consoles retour façade. Combien de tranches, combien de pistes tu peux gérer? Alors, c'est en fonction des besoins. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais. Alors, j'ai connu l'époque de l'analogique. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les consoles numériques, on a des outils qui sont très petits par rapport à la capacité de ouais. Bientôt, ça sera sur téléphone portable, tu verras. Non, c'est vrai que, ouais, le côté numérique a amené beaucoup en façon de pouvoir travailler, et c'est aussi complexe parce que il y a les boutons qui servent beaucoup, qui font beaucoup de choses en même temps. Ils font l'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Hein. Des fois, ils servent même le café. Ah, il a fallu apprendre tout ça parce que effectivement, ça a beaucoup changé les choses, mais c'est redoutable. Ça permet de faire des. Ben, on parlait de la Philharmonie tout à l'heure. Des patchs en 90, 100, c'est pas quelque chose de rare. C'est le nombre d'entrées, en fait. D'accord. Le nombre de micros. J'ai sur un concert 100 micros. Donc, il faut que ces 100 micros arrivent et que je puisse les gérer indépendamment tous. Donc, combien de tranches? Ça veut dire que ma console, elle a 100 tranches. T'as des smirnoirs, quoi, carrément. Voilà. Ouais, Donc, je vais bien un jour te voir travailler. Ouais, je vais me lancer une invitation. Pas tous, hein, juste moi, et puis peut-être la personne qui vient d'arriver là, peut-être qu'on viendra lui faire un tour. Sera bienvenue aussi. Bonjour Albino qui vient de nous rendre visite. Hein. Voilà. Donc ouais, jusqu'à 100 micros, ça fait du boulot, ça fait. Alors, bah, tu y as répondu. J'avais une question, mais tu peux être amené à travailler sur les deux. Enfin, je veux dire, peut-être pas en même temps, mais analogique. T'es plus enfin, tu travailles sur l'analogique ou sur du numérique principalement? Aujourd'hui, le numérique. L'analogique qui s'est effacé de petit à petit. C'est dans la pratique, on va dire que oui, parce que ouais. En fait, c'est un objet qui est très limité. Donc, on retrouve encore des consoles analogiques dans certaines salles de concert, dans Paris, par exemple, dans des petits clubs, parce qu'il faut les moyens d'acheter une console numérique, c'est pas évident. Il y a d'ailleurs dans certaines petites salles que j'ai croisées. Honnêtement, je me rappelle plus le nom, mais je me rappelle d'une console analogique avec des racks de périphériques analogiques. Tout est super, tout marche très très bien. Juste voilà, c'est limité en termes de ouais, capacité. Voilà, il y a la capacité et puis le volume aussi. Voilà, exactement. Donc dans ce qu'on utilise aujourd'hui, toutes les boîtes de prestations qui louent du matériel, bah, elles ont franchi le pas depuis 20 ans. Hein. C'est les consoles numériques aujourd'hui qui ont tout remplacé parce que en fait ce sont des ordinateurs. Le son ressort pareil, t'as la même finesse du son. Parce que là, je parle quand même à quelqu'un qui a des oreilles et qui sait, je veux dire, enfin normalement, oui, t'as des oreilles. En plus, avec nos habitudes d'écoute aujourd'hui, le son numérique ne pose aucun problème. On arrive à faire des choses terrassantes où le son est d'une pureté impressionnante, ou au contraire des choses très colorées. On arrive à recréer ce qu'on avait avec certaines consoles analogiques sur certains préamplis, etc. Non, là-dessus on est loin. Moi qui ai connu la période justement où les consoles numériques sont arrivées et j'ai croisé pas mal d'ingé-sons qui n'en voulaient pas, je comprenais pas à l'époque. Maintenant, ils veulent plus en faire. Je comprends aujourd'hui pourquoi ils en voulaient pas, mais aujourd'hui, les outils qui sont sur le marché, attention, ça barde. Bien sûr. Alors bon, bah tu nous as dit que tu préférais bien sûr le numérique. Hein. Tu réponds à mes questions, moi je te les pose. C'était rapide, mais voilà, non, ça va dans le sens, c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc si demain tu avais pour un concert un autre, tu te retrouvais avec une analogique, tu serais pas perdu, quoi. Tu serais. Ça arrive quelquefois encore, mais non, ça c'est pas de problème. Tu sais, je donne des cours dans un centre de formation pour ce métier-là. Et pour apprendre les bases et vraiment amener la compréhension des jeunes quand ils ne connaissent pas du tout ces choses-là, bah on leur apprend sur des consoles analogiques. Ouais, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes, et comme les moyens sont quand même assez coûteux d'avoir un ingé son, quand on n'a pas les moyens d'avoir son groupe avec son propre ingé son, n'est-ce pas, voilà, ça coûte un petit peu cher quand on va chez un gars qui va. Donc on fait de plus en plus de DI, on est de plus en plus dans le côté, on se fait notre propre son, notre ordinateur, on a notre PC, voilà, après les prises de son, elles sont plus ou moins, mais pour faire ça, il y a soit les tutos, ou soit des petites formations parce que bon, on a besoin, c'est des métiers qu'on n'invente pas, qu'il faut connaître. Hein. Absolument. Alors, quand tu arrives, alors on répète pour nos auditeurs, mon invité aujourd'hui est Sylvain est ingé son live principalement à la Philharmonie de Paris. Donc il est bien souvent en salle. Voilà, mais il fait un petit peu de tout, de retour et de la façade. J'accompagne des artistes. Voilà. Tu es principalement dans ce style de musique, donc tu étais jazz, mais est-ce que tu fais un petit peu du classique? Est-ce que ça t'arrive? Alors du classique, oui. Après, c'est pas des concerts classiques que je sonorise, mais à la Philharmonie, il y a beaucoup de projets justement où on va avoir un band jazz, donc piano, basse, batterie, un chanteur ou un sax ou peu importe, accompagné avec tout un symphonique. Bon, d'accord. Voilà, faut gérer tout ça. D'accord. Donc on imagine là, tu sors du train ou de l'avion ou je ne sais trop comment ou de ton vélo, tu descends de ton vélo, tu arrives à Paris. Tu ouvres la porte de l'endroit où tu travailles. Comment se déroule une journée type, suivant ce que tu as à faire, bien sûr. Alors, déjà je dis bonjour. Ça c'est le premier truc. En fait, les choses à faire sont fonction de l'exercice qu'on a à faire. Si je suis par exemple avec un artiste que je viens dans un lieu pour faire du concert, je vais installer mon artiste sur scène, faire en sorte que tout soit bien installé, le backline, donc les instruments de musique, que tout soit bien prêt. Si je gère les retours, je prends possession du plateau et je vais préparer tout mon travail sur le plateau. Si je dois mixer la façade, je vais prendre possession de la salle, écouter mon système, apporter les corrections nécessaires au niveau de s'il y a des fréquences qui sont gênantes, que ce soit à cause du système, que ce soit à cause de la salle, du lieu, etc. Et je commence par ces choses-là. Et quand je suis dans une salle à la Philharmonie, si c'est moi qui fais le son, je fais la même chose. Des fois tu y vas, tu fais pas le son. Alors des fois je fais ce qu'on appelle de l'accueil, c'est-à-dire que je vais accueillir quelqu'un comme moi qui fait ce métier-là, mais qui accompagne un artiste. D'accord. Donc j'ai préparé le matériel. Ouais, ils ont leur... Voilà. Donc moi, quand j'ai ce genre de choses à faire, je m'assure que tout soit prêt pour l'arrivée du gars et je l'aide le cas échéant quand il connaît pas forcément la console. Il y en a tellement qu'on les connaît pas toutes par cœur. Donc une connaissance de langue aussi, français, anglais, je présume. Ouais, c'est un peu un minimum. C'est difficile à faire moins. Ouais. Parce que bon, en général, les échanges se font généralement en anglais. Puis les notices, elles sont en anglais aussi. Mais je crois que t'en es plus au stade de regarder les notices. Non, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Bah écoute, moi j'ai pour habitude aux alentours de 15h, puisque toi tu nous amènes à une playlist, moi j'ai l'habitude j'ai pris pour principe, en accord avec Albino, de faire découvrir, tu sais qu'Albino il a son émission Mavrica le vendredi soir, et qu'en général il fait découvrir les artistes locaux ou extra-locaux. Okay. Comme la semaine dernière, il a fait venir un chanteur de hip-hop qui est venu de la région parisienne, un gars super sympa que je salue, Alex de la Paix. Donc on a fait autre chose, donc il est pas tout à fait de la région, mais c'est voilà, Orléans, et maintenant c'est la périphérie de Paris. Alors je vais te faire écouter un petit groupe que tu ne connais pas. Très bien. Je vais te faire découvrir et tu me diras ce que tu en penses après. Ok. ça tape pas trop mal. Alors c'est un groupe qui s'appelle Last Rider. C'est ça. Ils sont du côté de, comment ça, tu me dis, c'est ça, tu connaissais déjà? Oui, j'en ai entendu parler. T'as entendu parler? Ils sont du côté de Laye-en-Val, hein, et voilà, ils se lancent un petit peu, là, ils ont pas mal répété, et c'est un groupe qu'on a reçu dernièrement, chez Albino, qui a pris la place de chroniqueur. Bonjour Albino, comment vas-tu? C'est vrai que j'ai l'habitude d'être plutôt de l'autre côté, et puis ça cette fois-ci, se retrouver de ce côté-là, j'ai l'impression de pas contrôler les choses, donc je vais juste te parler. Tu les contrôles pas, derrière, si je veux te couper le micro, tu peux me couper le micro, tu peux, si je dis des bêtises, tu peux le couper tout ça. Et moi j'aime bien, tu vois, Last Rider, moi tu sais, on parlait justement hors antenne avec Sylvain, voilà, moi j'ai plus la culture rock et tout ça, et tu nous as parlé justement de la semaine dernière, on a reçu Axel de la Paix, qui a plutôt une culture rap, et on lui a dit tout de suite, tu sais, des fois tu vas nous dire des références qu'on va pas connaître, on va peut-être pas pouvoir te suivre, mais on a accepté de te recevoir dans l'émission parce que justement on est aussi désireux d'apprendre d'autres choses, donc et il nous a un peu réconcilié avec le rap, nous ouais, qui sommes pas fait. Vraiment c'est pas vraiment notre culture. Et on échange depuis, hein. on s'échange, on s'envoie des trucs, il est super génial et super gentil. Il était venu avec Tonkix, exact, donc on avait passé un bon moment avec eux et tout ça, et donc je les ai invités à revenir prochainement dans l'émission. Et justement Last Rider, bon ça c'est plus mon truc, hein, le rock and roll, le rock, et puis là c'est en plus là c'est le métal, mais t'as pas entendu le premier morceau à l'entrée, c'est... Et puis ce morceau là en plus c'est un morceau qui me touche plus peut-être, pourquoi, parce que ça, en plus c'est une référence avec Radio Arc-en-Ciel, tu savais ça? Non. Tu vois, voilà. Metal Maniac, c'était l'émission de Fred. Il avait fait une émission pendant, je sais plus exactement combien de temps. Si, je suis mauvais élève, tu l'avais dit pendant l'émission. Il a reçu beaucoup de groupes de la région. C'est une référence, hein. Ça reste encore aujourd'hui une référence. L'émission Metal Maniac, c'était sur Radio Arc-en-Ciel jusqu'en 2004, hein, des années 90 jusqu'en 2004. Donc, ça a duré longtemps dans le temps. Et c'est là que, moi, des fois, je reçois des groupes, me dit, je suis déjà venu dans l'émission, sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Metal Maniac. D'accord. Et donc, voilà, c'est une référence. Et malheureusement, Fred nous a quittés il y a quelques années. Mais quelque part, voilà, il reste toujours un petit peu. Je suis sûr qu'il nous écoute de là-haut. Bien sûr. Et nous, on est toujours contents de parler de lui et puis de diffuser la musique qu'il aime aussi. Voilà. D'accord. Donc, ce groupe, vous l'aurez reconnu, hein, quand je le disais au tout départ, le petit clin d'œil que j'ai fait avec le premier groupe dans l'intro du batteur, c'était un petit clin d'œil à Sylvain, parce que Sylvain est aussi batteur, et la personne que vous entendez à la batterie, c'est bien évidemment Sylvain. C'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire, et bien évidemment, ce groupe. Avant l'émission, je lui avais dit, j'espère que t'as prévu un morceau de Last Riders. Il m'a dit, oui, tout à fait, t'inquiète pas. Mais Sylvain n'est pas au courant. Je lui avais mis aux petits oignons une intro aussi, qu'il l'a mis tout de suite dans le bain. Voilà, ben écoute, on va revenir un petit peu à nos moutons, hein, donc au côté ingé son. Je sais que tu aimes le son aussi, Albino, et ça me fait plaisir d'ailleurs que tu sois... Moi j'ai un petit peu de mal avec les manettes, mais c'est vrai que j'ai un bel instrument, c'est que j'ai des bonnes oreilles, et des fois il y a des ingénieurs... Avec les oreilles, ça arrive pas avec les doigts. Non, mais le plus important, c'est de contenter les oreilles, hein. Je crois que c'est le plus important, parce que moi j'ai déjà travaillé avec des ingé sons qui des fois me disent, au niveau des paramètres, tout est bon, tout est ok, la théorie c'est une belle chose, mais quand il n'y a pas le résultat, on dit non, mais le son est pourri, il y a un truc qui va pas. Et donc après, il faut quand même pouvoir corriger avec ses oreilles, et je crois que c'est plus important, hein. Si on n'a pas des bonnes oreilles quand on est ingé son, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, pour en revenir sur Sylvain, dans ton métier, pour moi, tu es le seul à jouer de la console. Ça, oui. D'accord. De mixage pour définir le son final. Et ce que, comme musicien, c'est ce qui donne du poids artistique qui est indispensable pour tout musicien. Alors, est-ce que tu peux te comparer, toi, à un musicien supplémentaire? S'ils sont 5, est-ce que tu es le 6e homme? Alors, s'ils sont 12, est-ce que tu es le 13e homme? Suivant les projets, oui, on est un membre du groupe, en fait, puisqu'on participe au résultat du show. Donc, ça peut, suivant les projets, encore une fois, on peut être considéré comme un membre du groupe. On a des fois une part sur la production musicale même, des choses à faire à des moments très précis. Donc, à partir de là, oui, il n'y a pas de raison. Après, je suis un peu plus humble avec ça, et dans mon activité, qui est beau. Oui, mais disons qu'il y a aussi le cas que je croise, ou qui m'arrive souvent, de faire le son pour des groupes, des artistes que je ne connais pas forcément, que j'ai pas croisé avant. Ça arrive dans des festivals, dans des, et on fait le son pour ces gens-là. Le résultat, il est bien, mais je me sens pas un membre du groupe. Je peux pas, je me à part entière, mais à l'instant T, pendant le concert. J'étais un partenaire. Et t'es un partenaire, t'es un guest. T'es un guest sur le moment du. Ouais, j'irai du pas, concert, bon, du j'irai pas jusque là, mais un partenaire en tout cas pour faire que la chose se passe bien, quoi. D'accord. Et après, il peut y avoir des affinités qui se créent suivant les musiciens. Ouais. Ouais. Et puis une petite bière, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou autre chose, hein. Une bière, ouais. Mais ça peut être une bière sans alcool, ça peut être une limonade, ça peut être un jus de fruits ou autre. Comment tu trouves ton équilibre entre les exigences techniques? Qu'il n'y ait pas de l'arsène, la bonne pression sonore et la couleur artistique souhaitée par le groupe. À gérer. Alors comment je vais pouvoir redonner ma question? Comment peux-tu gérer la pression dans ta tête de tout ça et arriver en même temps de donner une bonne coloration? Parce que qu'on le comprenne, une musique telle qu'elle est, elle a une couleur. Elle a une couleur, on la voit pas visuelle, bleu, blanc, rouge, vert, violet, mais elle a une couleur musicale. Suivant les groupes, suivant bien sûr les salles où tu travailles, suivant le contexte intérieur, extérieur, le côté de la couleur et la problématique de concert, tu as privilégié quoi d'abord? Ça fait plusieurs fois que tu dis le mot l'arsène. Oui, parce que l'arsène, c'est le mot qui me revient souvent. Bien sûr, mais en réalité, c'est un truc qui est assez insupportable. Et en même temps, c'est très drôle. Chaque fois qu'on voit une série, un film, il y a toujours quelqu'un, quand il y a un discours, qui tape sur un micro. Et à chaque fois qu'il tape, on entend l'arsène pour vérifier que le micro fonctionne. Bon, ça n'existe pas, quoi. C'est... le l'arsène, c'est un problème, mais ça fait partie de mon boulot. Et là, c'est purement technique de faire en sorte que c'est l'arsène n'arrive pas. Je dis pas que ça n'arrive pas. Effectivement, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Mais le but, c'est de supprimer ces problématiques. Et en fait, ça fait pas partie de notre quotidien de penser au l'arsène ou d'avoir peur de ce l'arsène. En tant que technicien, c'est mon quotidien, j'y fais attention, je veille quand les plateaux sont un peu sensibles, surtout sur des plateaux acoustiques avec des instruments très peu sonores qu'il faut quand même reprendre pour 2000 ou 3000 personnes, c'est un dossier, mais c'est avec les techniques et les outils qu'on a aujourd'hui, ça c'est vite un problème qu'on arrive à lisser. D'accord. Voilà, donc vraiment l'intérêt, c'est de savoir rendre la musique comme le souhaite l'artiste. Voilà, avec c'est ça l'exercice. Voilà, en fait. L'exercice, il est là. Donc, tu étais principalement axé, c'est focalisé sur la couleur que sur le côté technique. Après, tu peux toujours là, mais tu as tellement l'habitude et tu connais ton métier puisque tu es breveté pour ça. Je prépare mon travail avant que les artistes soient là, justement pour éviter les problèmes de l'arsène. Voilà. Donc, tous ces réglages se font en amont. Quelquefois, on est sujet à d'autres problématiques en cours de jeu et il faut y revenir. On a besoin de retravailler telle ou telle chose, mais bon, on a les temps de balance pour ça. Mais vraiment, le souci, c'est tout ce qui est intéressant quand même, c'est de pouvoir justement avoir un souci artistique, un rendu de ce que joue l'artiste sur scène, quel qu'il soit, que ce soit variété, que ce soit rap, métal, classique, peu importe, et d'arriver à restituer ce que veut l'artiste. À partir de là, c'est pour moi une question de compréhension. Il y a des artistes avec qui il n'y a pas besoin de se parler, c'est facile, c'est naturel, humainement, c'est compris et il n'y a aucun problème. Et puis il y a des fois des choses qui se passent, on va dire, pas forcément bien parce que on comprend pas exactement ce que recherche l'artiste. Ouais, on n'a pas forcément, j'ai pas la prétention de comprendre toutes les musiques, donc ni toutes les langues. Donc il y a des exercices sur lesquels j'ai pas peur et il y en a d'autres, je prendrai pas la première place pour aller m'y risquer, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé lors d'un direct, bien sûr, d'avoir un instrument qui lâche, enfin un micro, un câble qui, un instrument qui tombe en panne. Je vais pas parler du l'arsène. Plein de choses. Ouais. Il arrive tout plein de choses. C'est aussi ça que j'adore. En studio, c'est une catastrophe. On arrête, on fait pause et puis on répare. Ouais. En live, c'est très compliqué. J'ai plein d'images qui me viennent. Il y en a une qui est pas si éloignée. Il y a quelques temps, l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Festival de jazz, ça joue sur scène, devant le public. Le concert bat son plein, super concert, tout se passe bien. Et les morceaux de jazz en général sont très longs. Oui. Il y a des passages où chacun peut s'exprimer. Il y a un solo. Bref, là on n'accueillait pas n'importe qui au sax quand même. Et donc une pointure. Et il lance le morceau et ça y va. Et le batteur a un problème avec sa pédale de grosse caisse. La pédale elle casse. Ah oui. En chaud. Mais impossible de s'arrêter. Et puis de toute façon le Gus devant il jouait, il n'y en avait rien à faire quoi. Et on sentait bien qu'il y allait y avoir le solo de batterie qui allait venir. Donc bah, j'étais le seul, comme je faisais les retours, j'étais le seul à bonne distance. Alors non, j'ai pas fait la pédale. Je suis passé sous le batteur. C'était lunaire. Je suis passé sous le batteur pour retirer la pédale. Donc il a joué à peu près une minute sans pédale du tout. Hein, de toute façon, elle était cassée. Pour aller en chercher une, la remplacer. Et puis voilà. En plus, t'as dû avoir un gros moment de silence parce que c'est aussi ton instrument. Donc j'ai compris la douleur du gars. Il m'a aimé. Hein, j'étais son meilleur ami pendant 5 minutes. Qui t'a payé un verre après hein. Non, mais on s'est souri. On s'est regardé, on s'est souri. Ça suffit. Ouais, ben voilà, ouais, c'est les impôts. Mais c'était très drôle de voir, de remettre la pédale. Et c'était le solo de batterie. Ouais. Là, tu fais ouf. Et toi, ça t'est arrivé en studio, Albino, d'avoir un problème technique dans tes débuts ou après? Oui, il y a toujours des problèmes de toute façon. Chaque émission, par exemple, que je fais, moi, il y a le côté technique. Tout ce qu'on a prévu, ça ne se passe jamais exactement pareil. Donc, il faut savoir faire face. Et puis après, c'est avec l'habitude. Voilà, il y a des petits trucs des fois qui démarrent pas comme il faut. On utilise aussi des ordinateurs. Ça m'est déjà arrivé de faire des émissions et tout d'un coup, hop, écran noir, tout s'éteint, l'ordinateur redémarre et puis là, on se retrouve sans rien du tout. Une petite musique style fenêtre et mise à jour. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir une roue de secours, hein, voilà. Donc un CD dans le lecteur, il y a un truc qui se passe, on envoie du son, au moins les auditeurs se disent bon, il y a un petit souci, mais on a de la musique, donc ils y pensent pas vraiment. Ce qu'il faut, ils vont sur une autre, c'est leur faire oublier qu'il y a des problèmes. Voilà, même quand il y a des problèmes, on fait comme s'il n'y avait rien eu et on continue. Voilà, le truc il est là. Ce qui est fait est fait de toute façon et on va essayer d'aller de l'avant. Bon, il n'y avait pas de pédale, on trouve une pédale, on la remet et ça repart. Et d'ailleurs, pendant un petit moment, il y a un truc, mais derrière, ça repart. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de compenser sur le coup, quoi, et de s'en sortir, quoi. Il y a toujours un moyen. Il faut faire 1002 et voilà. Ouais. J'en profite pour redire bonjour à Bruno parce que Bruno m'a envoyé un message. Il avait du mal à se connecter sur la radio. Il vient de m'envoyer un message comme quoi, du côté de Gien, aujourd'hui ça passait. Donc je salue tous les Giennois et Bruno Wirtz qui est derrière, qui est aussi musicien, auteur, interprète, compositeur, que tu pourras peut-être un jour recevoir chez toi, qui est un super mec, qui a chanté d'ailleurs dans les Fits Gallard, les gars de la Marine de Loire. D'accord. Il chante de temps en temps avec eux. Et là, il a son truc. Donc, salut à toi, mon ami Bruno. Eh ben, écoute, on a écouté Lice Rider avec Metal Maniac. Maniac. Ouais, j'avais oublié le C. Le nom de l'émission, ouais. Alors, comme tu m'as confié aussi que tu avais travaillé, que tu travailles de temps en temps dans des radios, on va pas les citer, des confrères, on va en parler un petit peu après. Mais juste avant, je vais te faire passer un morceau que tu connais, puisque c'est toi qui me l'as envoyé, d'une personne avec laquelle tu as travaillé, et tu vas me dire si tu reconnais ce morceau. Tive medo, eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, Gamara, água de beber, água de beber, Gamara. Eu nunca fiz coisa tão certa. entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, calma. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Que tu as reconnu cet artiste, il me semble que c'est même une artiste que tu as sonorisée. Ah oui, est... j'affectionne tout tu particulièrement. Tu peux nous redire son nom, c'est Tania. Tania Maria. Voilà, et elle a chanté en. Ah bah c'était en portugais, en brésilien. Voilà, j'ai bien ressenti un petit peu. Tu as tout compris, elle a dû se réaliser dans les paroles. Ouais, tu peux nous traduire à Guadeloupe. Je vais t'avouer une chose, c'est que j'ai compris les premières. Après, t'étais pas dedans. Et après, on était en train de discuter avec Sylvain, donc j'ai écouté comme ça en fond sonore, mais j'ai pas fait attention aux paroles. Voilà, les mauvais élèves, ils sont là. Déjà, tu sais, il y a le côté de la langue, on aime bien, et puis là, on a voyagé dans le Brésil, rien qu'avec le rythme, et puis les instruments, la manière de. C'est samba. Voilà, c'est ça, c'est rien. La musique, c'est déjà, ça suffit. Hein. C'est pas une samba. C'est. Comment j'appellerais ce style de musique? Ça fait un peu de bossa en même temps. Il y a un petit peu de bossa aussi. Ouais, bossa, ouais. c'est la musique brésilienne. Voilà. Tout à fait, au Brésil. Tu m'as confié que donc tu travaillais également pour une, enfin pour une ou plusieurs radios de grande écoute. Donc là, on passe sous l'étiquette d'ingé son studio, parce qu'on disait qu'il y avait trois principaux. Il y a le studio, il y a le live et il y a l'audio. Là, on est plus, je disais, dans l'audio. On est plus dans le côté audio. Audiovisuel. Alors oui. Donc, Sur ce côté-là, dans cette radio, je travaille dans leur grand studio qui sert. C'est une grande radio, hein, je crois. Hein, tu m'as dit. Hein. Oui. De Luxembourg ou quelque chose comme ça. Voilà, enfin, c'est un peu ça. Voilà, on n'a pas le droit de dire les noms. Au pire, on s'en fiche un peu. Mais... Voilà. Et du coup, c'est Arc-en-Ciel, par contre. Hein. Voilà, ça c'est important. Il est 15h25. Vous êtes sur Arc-en-Ciel. Iota. Radio Arc-en-Ciel 96.2 et l'émetteur est sur Orléans. Voilà. Voilà. Et on peut nous écouter partout dans le monde radio parce que c'est la radio FM, mais on est aussi sur le web et on peut nous écouter partout dans le monde. Voilà. Tu te rappelles de l'intitulé Radio Arc-en-Ciel. radio-arc-en-ciel.com. Voilà. J'ai cherché. Hein. Parce qu'avant c'était point freux, ouais, mais on a arrêté. Mais là on c'est passé point com, comme communication. Donc il doit y avoir une sacrée différence à moduler, à sculpter le son type d'une radio avec son identité sonore, parce qu'on sait qu'en général les grandes radios ils ont leur propre identité sonore, comme tout chanteur, comme tout musicien. On a, si on écoute les grandes, ils ont, c'est un petit peu chacun. Voilà, on reconnaît tout de suite. Et cela doit être sûrement bien différent du spectacle vivant. Donc, en quelques mots, peux-tu nous éclairer sur cette facette de travail ? Ton rôle doit être stressant, je présume, surtout pendant les émissions phares. Mais sinon, ouais, est-ce que tu peux nous le dire en quelques mots ? Alors, t'as 5-6 minutes. Je vais malheureusement pas pouvoir dire grand-chose, dans la mesure où ce que je fais, moi, dans cette radio, c'est mon métier en live, en fait. Je suis dans le studio et je fais le son pour les artistes qu'on reçoit quand ce sont des émissions de musique. Donc, je fais les retours et je fais également le son pour le public. C'est ambiance club, donc il y a aussi le son pour le public. Il y a du public qui vient à chaque émission. Donc, je me retrouve à faire, on va dire, le même exercice avec des contraintes un peu différentes, puisque comme on a une prise de son pour la radio, il faut limiter au maximum ce qu'on appelle la repisse, donc ce qu'on entend dans un micro qu'on ne veut pas entendre. Par exemple, là, dans mon micro, il n'y a que ma voix, on n'entend pas autre chose. Mais quand il y a des musiciens autour, ça génère pas mal de... Absolument. Donc, les micros, ils captent les sons d'à côté. Ouais. Donc, il faut gérer ça. J'ai une autre gestion importante là-dessus. Et je travaille avec un collègue qui, lui, est ingénieur du son aussi, mais qui est dans la cabine de prise, qu'on appelle, et qui, lui, en fait, produit l'émission. C'est-à-dire que c'est lui qui va déclencher, mais ça, tu connais mieux que moi, il va déclencher les jingles, il va déclencher les virgules qu'il y a. Il a également un, je sais même plus comment t'as appelé ça, là, parce que... Cartouché. Voilà, tout à fait. Donc, lui, il en a un, deux. Voilà, il y a tous ces trucs-là qui sont préparés. Donc, suivant que c'est une émission de divertissement ou une émission de musique, on fait des émissions de musique. Ça, personnellement, c'est ce que j'adore. Et on enregistre dans les conditions d'un live, mais pour la radio. Donc, effectivement, il y a un passage de la musique aux interviews, etc. Donc, c'est un autre truc à gérer. Mais très honnêtement, moi, à mon poste, c'est pareil, quoi. C'est facile. Donc, je suis pas confronté. T'es pas dépaysé, en fait. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Les exigences sont peut-être pas tout à fait les mêmes, comme tu l'as dit. Mais alors, on accueille des artistes souvent de variété. Donc, c'est pas un standing. Ils ont souvent accès à beaucoup de d'outils, de technologies. Donc, ils ont des exigences assez pointues qu'il faut savoir restituer assez rapidement, de façon assez efficace. Enfin, là-bas, il y a tous les outils qui vont bien, le savoir-faire. Tu es habitué à l'accueil aussi, donc. Donc, parce que tu m'as dit que des fois Philharmonie à Paris, tu accueillais les ingé-sons des musiciens. Donc là, bon, c'est pas des ingé-sons, mais ce sont des fois des personnes qui sont surtout dans le showbiz et ça, qui sont assez exigeantes. Voilà, c'est là où l'humain est très important dans ce métier, car on est confronté à des gens qui viennent pour de la promo. Et en fait, c'est peut-être plus dur qu'un live. En fait, il y a un stress énorme parce qu'ils vont être écoutés. Bah ouais, c'est énorme. Ils sont stressés. Et suivant les personnes, bah, il y en a qui deviennent un peu plus pénibles parce que le stress fait qu'ils se sentent en danger. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humain pour détendre et puis réaliser que tout va bien. Et puis j'ai pas connu une seule émission qui s'est mal passée en vrai, hein, donc tout va bien. D'accord, bah ouais, parce que là, bon, t'as pas le côté que j'avais lu un petit peu, regarder, à gérer le téléphone, à gérer tout ça, c'est pas ton. Non. Voilà, toi, t'as un technicien de l'émission pour l'animateur ou l'animatrice. Dans ces grandes radios-là, je crois que l'animateur fait pas comme nous dans les. Ah non, c'est pas plus rare. L'animateur. L'animateur. Il a juste un bar. Il gère pas la console, le son, les retours, l'envoi de musique et tout ça. Non. Donc toi, t'es plus sur le son pour envoyer sur les. Pour faire le son des musiciens qui viennent, des artistes, et rendre ça en façade pour au le public pour le côté club, comme tu dis. Voilà, donc c'est à peu près la même chose, sans être la même chose. Oui, l'exercice est différent, c'est autre chose que de faire le son pour le public de 2000 ou 3000 personnes. Là, il y a 100 personnes, donc c'est autre chose, mais c'est moi j'adore, personnellement. Ouais, bah, j'imagine, ouais, puis ça te change un petit peu de ce que tu fais habituellement. Il y avait une question sur laquelle on devait revenir et qu'on n'est pas revenu, elle vient de me retoquer dans la tête. Quand tu es à la salle là-bas, la philharmonie, quand tu travailles, tu as une disposition différente, je pense, suivant les groupes, suivant les artistes qui sont là sur le plateau. Donc, est-ce qu'il t'arrive à changer de repère ton instrument de travail, ta table? Alors, te mettre en milieu de scène ou pas? Non, au milieu de scène, non. Ça m'est arrivé sur un projet, mais c'était pas la philharmonie. Mais bref, en fait, suivant les projets, il y a des contraintes artistiques, hein, des contraintes artistiques qui doivent rentrer en ligne de compte, et des contraintes techniques. Nous, à la philharmonie, la console retour, elle est d'un côté, pour des raisons pratiques, c'est que toute l'électricité, toutes les lignes de communication entre la régie face, elles sont ce qu'on appelle à court, donc côté court. Donc la console. Ah oui, tu expliques-nous le côté court et le côté jardin. Elle n'était pas prévue, ça, là, mais. Il y a deux côtés. Il y a un côté jardin, qui est en fait, quand on regarde la scène, comme le public regarde la scène, c'est à gauche. Donc ça, c'est la partie jardin, et toute la partie à droite, c'est la partie court. Voilà. Donc, à la philharmonie, on a une disposition qui est imposée en fait par les problèmes techniques, enfin les contraintes techniques. Mais si demain il y a un projet et on nous dit la console retour, il faut impérativement qu'elle soit de l'autre côté, bah la console de retour, elle sera de l'autre côté. Ah ouais, tu vas tout débrancher, tu vas. Il y aura une pige de travail pour pouvoir déplacer toutes les lignes. Ouais, t'as une checklist et tu remets, tu checkes à chaque fois. Un festival, c'est pareil, le festival. Quand on s'installe, ou il y a des oui, habitudes. Ouais, mais là, c'est plus précisément à la philharmonie que je me posais la question. Oui, on se doute que lors d'un festival, ça bouge. Et puis des fois, t'as plusieurs scènes. Tu peux avoir la grande scène et puis des scènes à côté plus petites. Ça change. On est obligé de s'adapter. Mais grosso modo, on a des lignes directrices qui sont pas trop bougeables, on va dire. Ok. Donc juste avant de passer un petit morceau de Luc. Ah non, c'est pas Luc Peterson, pardon, c'est MAM, hein, autant pour moi. Le secteur évolue avec des sons de plus en plus immersifs. On cherche à se mettre immersif, un petit peu comme moi à l'intro avec l'immersion, pilote de ligne et le voyage découverte à bord d'un avion A350 ou autre. Voilà, c'est le côté on se dépaysage et dépayse aussi. Tu as de plus en plus de nouveaux logiciels, des consoles de plus en plus sophistiquées. Comment se forme-t-on en continu? Bah ça, déjà pour apprendre à faire ce métier, il y a pas mal d'écoles qui existent. Ouais, j'allais y venir à l'école, ouais. Et après, par exemple, j'en ai parlé en tout début d'émission à la Philharmonie. Il y a une salle qui vient de s'équiper avec justement un système de son spatialisé. Et on a été formé pour ça. Il existe, les constructeurs organisent ça. En tout cas là, le constructeur des enceintes qui sont mises en place là-bas a des sessions de formation régulièrement dans l'année pour se former aux nouvelles technologies qu'eux proposent. Et chacun fait un petit peu ça. Donc il suffit de monter un dossier, de s'inscrire et de participer à la formation. D'accord. Ouais. La formation après dans la formation. Enfin, on arrive suivant les spécificités à ce. Ben après. La formation va permettre de nous apprend à utiliser un outil. Et après, bah, faut s'exercer, faut être dessus, faut avoir l'opportunité de travailler dessus pour aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que là-dessus, pour ma part, la Philharmonie, c'est une chance de pouvoir faire ce genre de choses, d'avoir suivi la formation dont je parle, là, et d'avoir une journée avec des musiciens qui sont là exprès pour nous, pour pouvoir tester le système. Ouais, ils font office de cobaye. Exactement. C'est ça. Donc le deal, c'est qu'eux, ils repartent avec l'enregistrement multipiste de ce qu'ils ont joué, comme ça, ils peuvent faire un petit clip, ils filment et tout, et, puis, ouais. Et puis nous, on s'est éclaté comme ça. Ils font un backline, et puis vas-y, roule. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est super, ça. C'est super sympa. Ouais, donc on parlait un petit peu des sons immersifs et tout ça, donc il faut toujours c'est comme dans tous les logiciels, dans tout le travail, même dans le travail manuel, hein, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il faut continuellement, perpétuellement se remettre à jour. Voilà. Ouais, ouais. Faut pas croire qu'on a la science infuse. On est souvent infusé par la science d'ailleurs. C'est un métier que tu fais, donc je rappelle pour les auditeurs qui prennent en cours à 15h35 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans ou web radioarc-en-ciel.com. Nous sommes en direct donc avec notre invité du jour qui n'est autre que Sylvain, ingénieur du son live, précisément au Philharmonie de Paris, et que on a travaillé pendant une heure et demie pour l'instant à décortiquer un petit peu le métier. On a fait la différence entre l'ingé son live, l'ingé son studio, l'ingé son audio, qui sont des sections, on va dire, différentes, mais principalement c'est pour le son, et au départ ils ont les mêmes formations. Après c'est comme dans chaque métier, dans chaque corps de métier, ils prennent leurs orientations différentes. Ça sera comme d'ailleurs avec mon prochain invité qui est photographe, qui sera Thierry Scholl, qui va nous parler de la photo. Et dans la photo, il y a aussi plein de choses. Il y a la photo de studio, il y a la photo animalière, il y a la photo d'artiste, et d'ailleurs il viendra nous en parler jeudi prochain un petit peu de son métier de photographe et de sa passion. Donc Thierry, si tu es à l'écoute, et ben voilà, je t'ai fait le petit clin d'œil, hein, comme je le fais à chaque fois. Et on aura peut-être, j'attends une réponse d'ici ce soir ou demain, on aura peut-être deux personnes un petit peu connues au niveau de la télévision, qui ont été connues, la télévision qui devrait venir, mais pour l'instant j'ai pas encore la réponse affirmative, mais bon, on espère que ça se fasse. Dans ce métier, par définition, qui est un métier de l'ombre, tu es souvent... Toi, je crois que tu dois avoir une cabine éclairée. Ouf. Non, t'es dans le noir avec ta petite lampe. Voilà, t'es comme le mineur, à part que t'as pas de casque. Enfin, si, t'as un casque, c'est pas le même. Je risque pas ma vie. Voilà. Est-ce difficile de voir le succès sur scène et de toi de pas être sous les projecteurs? Non. Pas une seconde. Non, pas du tout. Ça a pas... Enfin, pour moi, ça me... C'est au contraire, je suis rarement fier de moi, mais ça m'est arrivé des fois de ressentir un peu de fierté quand il y a un show qui se passe particulièrement bien, et je sais moi que j'y suis pas pour rien, mais après j'ai juste fait mon boulot. Tu es payé pour ça. C'est un peu ça, ouais. et puis c'est quelque chose qui est quand même assez atypique. On a une chance, je trouve, de pouvoir côtoyer des gens parfois entre guillemets des légendes vivantes dans certains styles de musique. C'est assez étonnant. Bon, j'ai toujours eu beaucoup d'humilité par rapport à ça. Je m'estime chanceux et j'ai jamais eu un ego suffisamment surdimensionné pour me dire bah mince, c'est lui qu'on applaudit là-bas alors que c'est moi qui ai fait le son. C'est pas normal, non. Au contraire, c'est tout à fait normal. Avant d'arriver parce qu'il nous reste encore une petite vingtaine de minutes, j'ai eu pas mal de... Alors je me suis amusé cette semaine, comme j'avais pas trop de questions sur Facebook, j'en ai eu deux ou trois. Je me suis amusé, j'étais en ville, sur le centre d'Orléans, place du Mar 3. Je me suis présenté, j'avais ma carte d'animateur, enfin ma carte de la radio, le casque pour faire voir, un petit peu comme les médecins, ils ont le stéto. Moi j'avais le casque. J'ai dit voilà, je me présente, je m'appelle Henri. Non, c'est pas ça, c'est une chanson. Je me présente, je suis animateur dans une radio sur telle radio. Voilà, je vais recevoir un ingé son. Est-ce que vous connaissez un petit peu le son? Alors j'allais souvent voir des jeunes, mais j'ai vu quelques personnes un petit peu plus âgées, on va dire. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais. Allez, j'ai un son, tout ça, ouais, super métier. Ouais. Voilà, j'aurais une question. Ou est-ce que plutôt, toi, tu aurais une question à lui poser? Alors j'ai eu quelques personnes qui se sont prêtées au jeu, elles m'ont donné leurs questions. Donc je les ai notés et moi j'ai pris leur mail et je leur enverrai, donc ils se sont peut-être inscrits sur l'émission ou pas, mais je leur enverrai par mail le podcast que Florent nous fait à chaque fois. D'ailleurs Florent, je te fais un petit coucou, merci pour ton boulot encore une fois, Florent Amigo qui nous fait tous les podcasts, et je leur enverrai le podcast, comme ça ils pourront écouter si j'ai bien dit leur question. Alors il y en a une ou deux que j'ai été obligé un petit peu de détourner parce qu'elles étaient un petit peu, je vais pas dire direct, mais voilà, je pouvais pas la poser dans le sens comme ça à la radio, hein, du style ouais, est-ce qu'ils se font du fric? Je peux pas poser est-ce que t'es du fric. Bon, je l'ai posé différemment, mais la personne se reconnaîtra. Je la citerai d'ailleurs. Avant de passer à cet exercice et d'écouter un avant-dernier morceau, quelle est la plus grande satisfaction professionnelle et à l'inverse, ta plus grosse déception professionnelle? Alors, déception, je crois que j'en ai pas. Je m'estime vraiment heureux là-dessus. J'ai pas de déception, j'en vois pas. Et satisfaction, j'ai deux choses moi qui me viennent. C'est déjà de réaliser en fait que les gens avec qui je travaille aujourd'hui continuent de me faire confiance. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en fait devenus même des amis. Je continue à travailler avec ces gens-là et c'est quelque chose d'assez particulier. Et j'avoue que ça, ouais, c'est une satisfaction, très grande satisfaction. Et la deuxième, c'est en fait comme j'ai expliqué tout à l'heure que je donnais des cours dans un centre de formation, c'est de croiser des jeunes. Sur des plans et de voir qu'ils ont réussi et que même eux aujourd'hui m'apprennent des choses, et ça ouais je trouve que c'est super, la roue tourne et c'est cool de d'avoir fait partie de ça. Voilà. Ok, et ben écoute, avant de passer donc à sur le grill là, au niveau des questionnements, je vais te passer un petit morceau là que tu nous as envoyé, et celui-là je crois que tu y tiens particulièrement. Ouais. C'était MAM, tout simplement, M-A-M. Voilà, projet et le MAM, titre c'est You Are The Answer. D'accord, et tu peux nous raconter la petite truc que tu nous as dit vite fait. C'est la magie de ce métier, c'est que j'ai croisé à la radio sur une émission de musique des musiciens dont le guitariste que vous avez entendu jouer et chanter qui s'appelle Manu Rodier qui joue avec un chanteur de variété bien d'accord. connu et qui a son projet voilà en voyant un t-shirt et ça a matché groupes, ça a matché, on s'est bien entendu, il m'a passé ça et puis voilà, on s'est croisé à quelques concerts. C'est sympa, c'est ça, c'est super sympa, franchement j'ai adoré le morceau. Il y a un petit solo de guitare, j'ai bien ça, ouais, mais tous les instruments sont bien à leur place, c'est puissant mais ça reste super propre, c'est très bien ce qu'il fait. Bien. Donc, juste avant d'aller dans ce petit questionnaire, écoute Sylvain, on n'arrive pas loin du malheureusement de la fin de cette émission, enfin de cette première partie. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, je le disais en tout début d'émission, nous nous sommes rencontrés dans ce même studio il y a quelque temps lors d'une émission. Studio mythique, il faut bien le dire. Hein. Pardon. Studio mythique. Studio mythique du rock and roll le vendredi soir, Mavrika. On y sera d'ailleurs demain soir, n'est-ce pas? Demain soir avec le groupe Moderne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vais tenter de pouvoir venir. Je sais pas encore. C'est en train. Voilà. Et on sait que parmi tes loisirs, tu es aussi musicien, et c'est toi qui les mènes à la baguette en général, tes collègues. Eh oui. Eh oui. Tu es le batteur donc du groupe Last Rider, donc on a écouté tout à l'heure. Un des morceaux. Et j'aurais peut-être le plaisir de te voir cet été par-ci ou par-là, sûrement même par-ci et par-là. Peux-tu nous en parler en quelques minutes, allez, une ou deux minutes, Last Rider. Eh ben, pour nous voir déjà, c'est facile. Il suffit de venir ce samedi. On joue à l'After à Beaugency. Ah oui. Voilà, on a un concert là-bas. Je ne le savais pas. Donc, on ne peut pas tout savoir. 20h30, on fait jouer des petits jeunes avant nous. Et donc, à 21h, on devrait jouer une setlist. On a des nouveaux morceaux. On a à peu près 2 heures de musique. D'accord. Et voilà, donc c'est un projet qu'on a monté pendant la période du Covid. Voilà, je savais pas si j'allais refaire de la musique ou pas de cette façon-là. Ça s'est fait sous condition et tout le monde a accepté de jouer le jeu, c'est-à-dire pas d'ampli, pas de batterie, et on arrête la course au bruit. Donc batterie électronique, tout le monde en in-ear monitor, parce qu'on reste un petit groupe pour jouer dans des petits lieux, et donc l'idée c'est de pouvoir jouer de la musique pour que les gens l'entendent, et on espère l'apprécier. Ça après c'est un autre dossier, mais au moins voilà, sans rendre sourds les gens, on peut faire du métal avec quand même un petit peu de décibels, mais contrôlé et qu'on entende les choses. Voilà. Moi c'est quelque chose que j'ai constaté assez souvent, c'est que des fois on va à des concerts et on gagnerait à baisser un peu le son, parce que des fois ça hurle, on se dit ouais mais ça apporte quoi au bout d'un moment, il vaut mieux des fois baisser un petit peu le son, parce qu'il y a des locaux qui se prêtent pas du tout à ça, et après il y a un son, un brouhaha, ça tourne là-dedans, c'est désagréable, et en baissant un peu les décibels des fois le son est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus agréable, même dans le métal partout quand une image sonore est bien maîtrisée, bien contrôlée, et en fait on peut avoir une impression de fort niveau sonore alors que pas nécessairement. C'est juste que c'est bien fait. On en a pas parlé parce que c'était pas trop le truc, mais c'est surtout dans les ils s'en servent dans les comment dirais-je les trucs de streaming là, les portails de streaming, on va pas les citer, et ils mettent dans les enregistrements lors du mastering, ils mettent le loudness de manière à ce que ça soit pas plus fort que les autres, faut que tout ça fait partie du rôle du mastering, de mettre les comment dirais-je les sons tous au même niveau et que ça soit pas trop fort. C'est ce que je reproche un petit peu à pas mal de jeunes groupes. Enfin, de jeunes, pas dans l'âge, mais dans le truc d'être dans les concerts, surtout en région, et de mettre ça à fond. Je vais pas citer les endroits ni les groupes, par correction, mais des fois, c'est à celui qui tapera le plus fort, et c'est pas pour ça qu'on aime. Moi, j'ai vu partir de certains concerts parce que j'avais les oreilles qui saignaient, et c'est pas pour ça que j'ai apprécié ce qu'ils ont fait. C'est très problématique pour moi, ça, j'assume ce que je vais dire, hein, mais ça joue à deux points. C'est effectivement la musique, déjà, la musique être capable capable de composer de la musique, c'est quelque chose. Il y en a qui savent le faire et il y en a beaucoup qui savent pas. J'estime ne pas savoir le faire. Souvent ils sont mal réglés. Et déjà dans l'écriture de la musique, pour qu'on entende les choses, il faut que ce soit fait correctement. Et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et ensuite sur la restitution, on a l'illusion que en jouant fort, on va masquer certaines médiocrités, certaines choses, et en fait non, ça n'arrange rien. Le problème, c'est que, enfin, moi je pense que dans la musique, quand on écoute la musique, le meilleur c'est les silences. Oui, et puis on m'a toujours dit que la musique, moi c'est comme ça que je l'ai appris, on m'a donné une définition assez jolie qui dit la musique c'est l'art et la manière de produire et de combiner des sons de manière agréable à l'oreille. Voilà, tout à fait. Je trouve que dans mon métier c'est important de s'y référer. C'est un petit peu ce qu'on disait au niveau des couleurs, et quand il y a trop de sons un petit peu partout, les fréquences, là on parle des fréquences réglages, vont se chevaucher, la basse, et c'est pas joli à entendre, et on croit que voilà, on fait du métal ou on fait du punk, on fait même du rock'n'roll ou même du variette. Joue à fond, les gens ils ont plein les oreilles et c'était bien. Ah ouais, mais alors pendant 3 jours t'as les oreilles qui saignent. Eh bien, on y est arrivé. J'ai donc une question de Stéphane. La première question, c'est: est-ce que le métier d'ingé son est un métier payé à sa juste valeur? D'où mon changement de question tout à l'heure. Oui, alors ça je sais pas. Je m'estime pas malheureux. Après, voilà, je pense que ça dépend d'avec qui on travaille, suivant les projets. Il y a des projets où il y a beaucoup d'argent, des projets où il y en a pas beaucoup. Ça ne définit pas la qualité d'un projet. C'est juste que voilà, il y a des projets où on gagne beaucoup d'argent et des projets où on en gagne assez peu. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on arrive à approcher comme type de projet, j'ai envie de dire. D'accord. Il avait 2 questions en fait, en une pour le même prix. Y a-t-il beaucoup de travail d'emploi dans ce domaine? Est-ce que c'est un vivier ou... C'est difficile de nos jours. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir de la ténacité et vraiment de la détermination pour comme qualité principale dans ce métier-là aujourd'hui. On le voit bien, hein, on tire à boulets rouges sur toutes les subventions. Au niveau artistique en France, c'est très compliqué. C'est pas qu'en France. Donc, oui, j'ai connu une époque où je voyageais beaucoup. Cette époque me semble révolue. Les choses ont changé et donc c'est pas évident. Du travail, il en reste, heureusement, mais l'horizon se dessine moins rose qu'il y a dans les années 80, par exemple. Ça, c'est clairement quelque chose. Donc, c'est possible, mais il faut s'accrocher. Il faut pas venir là en touriste. Il faut vraiment avoir la volonté de faire un métier dans lequel on va se passionner et on va donner de sa personne. D'accord. Une question de Manon. Alors Manon, si tu as l'écoute, je le dis au podcast, non, je te donnerai pas mon chapeau. D'abord, aujourd'hui, je l'ai pas, j'ai une casquette, mais mon chapeau, il est à moi, c'est un cadeau et je le garde. Alors Manon, trop fort ou pas assez fort? Est-ce qu'on peut vraiment satisfaire tout le monde? On en parlait un petit peu juste avant. Elle m'expliquait que des fois, bon, elles vont souvent dans des concerts. Tu peux mettre plus fort, tu peux mettre moins fort. J'entends. Ça dépend où ils sont placés, justement. Alors plus fort, moins fort ou juste équilibre. C'est compliqué. Il y a des bases. Quand on entend tout, il y a pas de raison que ça aille pas. Après, plus ou moins fort, ça dépend effectivement de l'endroit où on se trouve. Ça dépend du concert. Le live, c'est l'ambiance. C'est un moment éphémère. C'est une émotion qu'on vit. On vit pas tous la même. Je suis allé voir un concert. Je tairai le nom. Le son était nul. Voilà, et je le dis avec ma connaissance à moi. Je dirais pas, c'est un de mes groupes préférés en plus, donc ça m'a fâché. Et j'étais à côté de la régie son. Alors, je dis pas que j'aurais fait mieux que le gars. Je dis juste que le son, il était pas bien. Et d'accord, de façon très objective, avec des éléments bien à l'appui. Et il y en a plein qui se sont régalés quand même. Donc voilà. Okay. Esteban, peut-on vivre un grand concert avec un son moyen? Ça va toujours un petit peu dans le... En fait, je pense qu'on y arrive assez régulièrement parce que l'oreille s'habitue en réalité assez vite. Donc à moins d'avoir un son catastrophique, souvent quand on commence un concert et que le son est pas terrible, au bout d'un ou deux morceaux, normalement, les choses s'arrangent un peu. Ça s'arrange parce que je pense que la personne derrière la console travaille aussi, fait ce qu'il faut pour arranger et adapter au mieux les choses. Et puis, l'oreille, elle s'habitue. Donc on peut très bien... très bien. Et puis on passe des fois des concerts, des soirées sympas dans des bistrots avec juste une batterie sans ampli, une guitare, une basse, et ça joue rock, un trio façon Police, et tout va bien et on se régale. Et pourtant on n'a pas le son de Wembley. Alors Charles, est-ce qu'un bon ingé son peut sauver une mauvaise prestation? Je sais pas sur quels critères. Je sais pas. Parce que si de toute façon, si. Ouais, c'est trois questions. Hein. Ouais, si le son, si la musique est pas bonne, c'est pas en la mettant plus ou moins forte qu'on va améliorer les choses. Donc, si un chanteur il sait pas chanter, tu pourras faire ce que tu veux dans les réglages, tu vas pas modifier son son pour. Oui, bien sûr. Il y a des appareils qui le permettent aujourd'hui. On peut lisser des choses, ouais. Mais la fête de la musique, on fait rarement des miracles, par exemple. Voilà, sans méchanceté. Ça, c'est à part. Et j'ai connu des fêtes de la musique qui a tourné les boutons dans tous les sens pour pas m'en sortir. Et j'ai eu la chance de faire le son des fois pour des pointures. Et en fait, il y a juste à pousser les fadeurs et c'est fini, ça sonne tout seul. Parce que la musique est écrite, ça joue comme il faut. Mais voilà, c'est... Bien sûr. Rachel, le son d'aujourd'hui est-il meilleur qu'hier ou juste plus fort? Oh non, pas plus fort. Non, parce qu'il y a des lois qui sont passées, les choses sont contrôlées. On parlait des loot nests tout à l'heure. Et on a justement live, des systèmes aujourd'hui qui permettent d'envoyer... Les blocs DB, en fait. On peut envoyer fort, mais avec une meilleure restitution aussi de toutes les fréquences. Donc la qualité est nettement supérieure à ce qu'on connaissait avant. Et on peut mettre moins fort. D'accord. Alors là, c'est donc Morgane. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de filles. Je sais pas pourquoi ce jour-là il y avait beaucoup de filles. T'as été surtout interviewé pas du Mar 3, mais j'y allais un petit peu au feeling. Disons que des fois ils étaient en groupe de jeunes. Et c'est les filles qui voulaient répondre. Il y avait des gars. Hein. Monsieur. Attends, déjà c'est Didier, c'est pas Monsieur. Et puis voilà, c'est Cannes Radio, je vais écouter tout. Bon. Alors, je faisais pas du micro-trottoir, hein, mais voilà, j'étais un petit peu à l'avant, parce que c'est vrai que dans l'émission, j'ai un petit peu de mal à faire bouger les gens, de s'investir un petit peu plus sur la page. Alors, je trouve d'autres fonctions, d'autres, pour aller au-devant des gens et faire connaître mon émission, cette émission, remercier Arc-en-Ciel en leur faisant rentrer un petit peu plus d'audimat et en faisant connaître le travail qu'on fait avec Albino, avec Nico, avec tous les autres animateurs. Travail, on est c'est de la préparation. Un paquet aussi, hein. On en a besoin. Le public devrait-il plus sensibiliser à la qualité du son? Ouais, je pense que là, c'est... Je comprends pas trop la question. Oui. Moi, d'après ce que je l'ai compris et quand je l'ai cuisiné, la petite Morgane, enfin la petite... Ouais, elle était un petit peu plus grande que moi. Donc elle est pas petite, mais dans ce que j'ai compris, est-ce que les gens, parce que elle me dit ouais, souvent on va dans des guinguettes, on va dans des trucs, on n'entend pas, les gens n'écoutent pas, ils sont pas attentifs, ils sont pas sensibles au son. Alors est-ce qu'il devrait y avoir un petit peu plus de formation, un petit peu plus de, est-ce que les groupes devraient un petit peu plus proposer pour la sensibilité de leur son? Je pense que ça, suivant ce qu'on va voir, suivant là où on va. Ben on va avoir un résultat au niveau, en tout cas j'espère. Si c'est une guinguette, si c'est quelque chose de très festif, il n'y a pas forcément le matériel et tout ce qui va autour pour que tout le monde puisse entendre. Et puis on est dans un endroit où les gens parlent. Quand on va voir un spectacle ou un concert, déjà le fait de payer son entrée, ça donne envie de s'intéresser. Et donc on a une autre audition, donc, et souvent un résultat meilleur parce que les choses sont mises aussi tout est fait pour que tout soit bien, que le spectacle soit au niveau, tant visuellement qu'au niveau de l'audio. Donc, D'accord. Ouais. Et là, je ne sais pas qui c'est. J'ai reçu ça sur Facebook. C'est Space ISS. Espace ISS, quelqu'un qui suit sa tournée ISS, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est en orbite. Alors, sans ingénieur du son, le spectacle existe-t-il vraiment? ingé son ou sonorisateur, mais ingé son. Bah, c'est comme sur un bateau, quoi. Il y a les ingénieurs du son, il y a ceux qui font la lumière, il y a ceux qui font le plateau, il y a ceux qui font la machinerie, il y a tout un spectacle. C'est énormément de personnes. Donc les ingé son, pareil, sont, on dit ingénieurs du son, en plus ça me fait un peu rigoler parce que je suis pas ingénieur. Hein. Ça reste un titre un peu pompeux, mais on fait partie d'une équipe. Et cette équipe, elle est indispensable pour le bon déroulé d'un spectacle. Voilà, y compris l'artiste. L'artiste reste la personne principale. S'il n'y a pas l'artiste, on sert à rien autour. Bien sûr. Mais l'artiste tout seul, en live, il fera pas. En live, voilà. Oui, puis même de toute façon, s'il n'y a pas l'artiste dans les studios, mais s'il passe à la télé, il faut des gens. S'il passe à la radio, il faut des gens. S'il fait un clip, il faut des gens. S'il enregistre un album, il faut des gens. Donc voilà, c'est une équipe, et c'est le travail de cette équipe qui fait que le succès ou l'échec d'un spectacle. D'accord. Bah écoute, Sylvain, j'espère qu'on a donné pas mal d'ouverture et de réponses à nos auditeurs et nos auditrices. Sur Radio Arc-en-Ciel, il est 16h59, hein, suivant les pendules, ce ne sont pas toutes à la même heure. 16h59. Il est 16h01, pardon, pas 16h59, j'aurais fini sinon. C'est pour ça. Je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux auditeurs, un copain, une petite dédicace, un petit cookies? Non, mais si l'émission vous a intéressé, on peut boire un verre non alcoolisé samedi soir à l'after à Beaugency, puisque j'y joue avec mon groupe, et ce sera l'occasion de poursuivre la discussion. D'accord, bah c'est noté. Alors l'after, c'est où déjà? À Beaugency, c'est sur la gauche quand on va vers Blois, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, j'y avais déjà été. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie amplement. Merci à Albino d'être aussi venu me prêter main forte. Quand je suis disponible, je laisse passer. Non, c'est toi qui ouais, du côté de la console, qui touche les boutons et tu te débrouilles de mieux en mieux. Ah bah, je te remercie. J'ai eu un bon formateur aussi. Hein. Et puis de temps en temps, heureusement qu'il y a Annabella aussi, de temps en temps. Si elle m'écoute, elle voit ce que je veux dire. Ça a été un plaisir pour moi. Donc la semaine prochaine, on va parler photo, on va développer. On va développer sur la photographie avec Thierry Scholl le 12 février. Et j'ai aussi dans l'émission à suivre un nouveau concept qui s'appelle Pochette Surprise, où je prends à peu près une quinzaine de sons différents, enfin de musiques différentes. Je mets ça dans le numéro de Pochette Surprise, parce que 15 à 18 titres, ça fait à peu près une heure. Et je demande justement, pour animer un petit peu la page Facebook, aux gens de choisir un numéro de pochette. Et là, il y a eu deux numéros de pochette. J'en ai tiré un au sort. C'est la 2 qui a rempli. Ça tombe très bien. Dans le sens de la personne qui c'est ce qu'il souhaitait, mais voilà, l'idée elle est là, c'est demander aux auditeurs, aux auditrices d'aller sur ma page et leur dire nous à la prochaine émission on aimerait écouter la pochette numéro tant, et c'est la pochette qui sera le plus citée qui sera mise en ligne. Donc ça peut être du pop, du métal, du rock, ça peut être de la musette, ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment la pochette surprise. Et si jamais il y a une égalité pendant la semaine de demande, ça sera l'invité qui sera là, qui tirera au sort la pochette surprise et le numéro. Donc je vais lancer le dernier morceau que tu nous as donné, et après je partirai sur la pochette surprise numéro 2, et c'est Stéphane qui a la joie, le plaisir de pouvoir l'écouter, mais elle n'est pas que pour Stéphane, hein. Elle est pour tout le monde, bien sûr. Allez, c'est parti. À tout de suite avec la pochette surprise. Bye bye Sylvain, au plaisir et en avant la musique. We'll be right back. voilà, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Didier & Co. On est toujours dans le vol numéro 10. Nous venons de quitter donc notre invité du jour, Sylvain, qui est toujours ingénieur du son à la Philharmonie de Paris principalement et dans des grandes radios aussi. Il nous a parlé un petit peu de son métier. Et là, juste avant de passer le décollage, on a fait un petit peu le plein de kérosène et on va repartir dans la pochette surprise numéro 2 qui a été donc demandée par et sélectionné par mon ami Stéphane L. Il se retrouvera Didier, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2, Pochette Surprise. ville, d'allumer les regards. Mais c'est dire un homme qui ne ressemble à personne. C'est too much, c'est pas tous les soirs. Bien dans un grand verre en caoutchouc. Ouh, ouh, ouh. Demain. 16h20, vous êtes toujours dans Didier & Co jusqu'à 17h. Allez, c'est suit et ça part. Sous-titrage Société Radio-Canada. 16h28, Arc-en-Ciel, 96.2, Orléans. Et vous êtes toujours en vol avec la vol numéro 10 sur la pochette surprise numéro 2. Il y a beaucoup de numéros aujourd'hui. C'est pas le loto, mais on n'en est pas loin. Et à suivre les... Brune, ne compte pas pour des prunes. 16h34, Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, et c'est la pochette surprise aujourd'hui, numéro 2, qui a été demandée par Stéphane. Ses enfants, écoute.

plaisir, pourquoi pas, 16h50, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. dimension. This is a new style of music. Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta. Colegiala, decirme que sí. Colegiala.